Ça roule le musée depuis plus de 20 ans. Jusqu'au 31 mai prochain, au musée des arts et traditions populaires de Wetterloo. Pour fêter ses 20 ans, le musée vous propose une rétrospective de toutes ces années riches en animations et manifestations au travers d'une exposition de photographies et documents d'archives. Entrée libre, renseignements, 03 20 81 59 50. L'exposition Sculpture de sable 2009, baptisée le Touquet Royal, vous accueille chaque jour jusqu'au 30 août de 10 à 18h au Touquet Paris-Plage. Découvrez-y la France et l'histoire secrète de ses rois. Une étonnante galerie de portraits, au destin parfois drôle, souvent tourmenté, mais toujours exceptionnel. Info web, sculpturedesable.com. Pour la troisième année consécutive, la bibliothèque municipale de Wetterloo organise un concours de nouvelles ouvert à tous. Le thème retenu pour cette année est « Frontières invisibles ». Les textes, d'un maximum de 5 pages, doivent être envoyés au plus tard pour le 1er juin en 5 exemplaires. Règlement complet du concours, disponible dans les différentes bibliothèques de la ville ou sont téléchargeables sur www.bm-wetterloo.fr. Zéro déchet, exposition d'art visuel est à découvrir du 11 au 29 mai à la salle Jean Jaurès de Wetterloo. Une exposition réalisée en collaboration avec les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville. Entrée libre, heure d'ouverture, 03 20 71 03 85. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Autour du jour et de la nuit. La La Land. Set me free. Guest DJ dans Bumbling DJs, c'est samedi après-midi sur Galaxy.

Gimme hair. Give me hate. We'll be right back. Zienek, guest DJ dans Bumbling DJs, ce samedi après-midi sur Galaxy. Radio Galaxy. Go. Hup, hup, hup.

après-midi sur Galaxy. Up on something, man. Yo, when you see something ill, you know what I mean? That shit is woke. Anything ill, you see it woke. Nigga have a big six at the curb, that's woke. Okay.

Guest DJ dans Bumbling DJs ce samedi après-midi sur Galaxy. little wiggle. Go wiggle.